Léo est étudiant. Léa est étudiante. Il est français. Elle est française. Il est grand. Elle est grande. Il est blond. Elle est blonde.